Wa bi nak final coupe du Sénégal la won Jean Diaraf dans les années 80 xam nga rek moy temps ñom Victor Diagne xam nga ay ñom Koto Joseph Koto pour les connaisseurs quoi wa mu amone nak ben pa xam nga un très grand supporter du Diaraf way mu don xalat match bi nak quoi pendant ay days pendant ay jours yoy bon mu jëndon billetam di impatienté ou tout ça bon jour final bi nak ben samedi mu wacc kërëm quoi jabaram togalon ko ben ciebu jeun bu tar yoy lek ba paré ñu jox ko njarum soow waye mu naan ba dëgër bon après nak pa né day tudd na raw sieste bon seulement pa bi nak dafa amone ben spécificité quoi moy que ni mom buy tudd na raw yoy wala muy sieste taatu nañ lay tuddé quoi pa bi genre nudicieux la dal di don bon après mu tudd non talé ku tranquille bon match bi mi ngi waron commencé ay 15h waye pa bi nalaw ba ay 15h moy 10h rek tit ci ay nalaw quoi rek juk né i waye man dé match bi na karaté quoi match yu may xaar depuis ay semaine rek pa bi daw quoi genn ci mbedd mi nonu sol ñett ab doon genn non rek jël taxem quoi dam stade amitié waye ni mu eggé stade amitié nonu xam nga duggu tribune découverte mais suñu pa bi xam nga wagasu nonu quoi jutu nonu quoi bëgg tok rek stade bi yux waay waye mu tourner quoi né ku duggal ku duggal gaay nako wa pa ya duggal ak sa ñaari xottu taati 2 heures pour jaraaf buñu um waay